Troisième partie. Il y a tant de choses à faire à Paris. Aimes-tu Paris, Pierre? Oui. Il y a tant de choses à faire et tant de choses à voir. Par exemple, la Tour Eiffel, les théâtres, les cinémas. Cet après-midi, je voudrais faire quelque chose d'intéressant et j'aime le sport. Tant pis pour toi. Ici, à Paris, c'est presque impossible.